Pour audiocité.net, le dévisement du monde de Marco Polo, lu par Christian. Chapitre 1. Comment Nicolas et Marco Polo s'en allèrent en Orient. L'an de Jésus-Christ 1235, sous l'empire du prince Baudouin, empereur de Constantinople, deux gentilshommes de la très illustre famille des Paul à Venise s'embarquaient sur un vaisseau chargé de plusieurs sortes de marchandises pour le compte des Vénitiens. Et, ayant traversé la mer Méditerranée et le détroit du Bosphore, par un vent favorable et le secours de Dieu, ils arrivèrent à Constantinople. Ils s'y reposèrent quelques jours, après quoi ils continuèrent leur chemin par le pont Euxin et arrivèrent au port d'une ville d'Arménie appelée Soldadi. Là, ils mirent en état les bijoux précieux qu'ils avaient et allèrent à la cour d'un certain grand roi des Tartares appelé Barca. Ils lui présentèrent ce qu'ils avaient de meilleur. Ce prince ne méprisa point leurs présents, mais au contraire, les reçut de fort bonne grâce et leur en fit d'autres beaucoup plus considérables que ceux qu'il avait reçus. Ils demeurèrent pendant un an à la cour de ce roi, et ensuite, ils se disposèrent à retourner à Venise. Pendant ce temps-là, il s'éleva un grand différend entre le roi Barca et un certain autre roi tartare nommé Allo, en sorte qu'ils en vinrent aux mains. La fortune favorisa Allo, et l'armée de Barca fut défaite. Dans ce tumulte, nos deux Vénitiens furent fort embarrassés, ne sachant quel parti prendre, ni par quel chemin ils pourraient s'en retourner en sûreté dans leur pays. Ils prirent enfin la résolution de se sauver par plusieurs détours du royaume de Barca. Ils arrivèrent d'abord à une certaine ville nommée Gutakam, aujourd'hui Okak, sur le Volga, et un peu au-delà, ils traversèrent le grand fleuve. Après quoi, ils entrèrent dans un grand désert où ils ne trouvèrent ni homme ni village et arrivèrent enfin à Bokhara, ville considérable de Perse. Le roi Barak faisait sa résistance en cette ville. Ils y demeurèrent 3 ans. Chapitre 2. Comment ils allèrent à la cour du grand roi des Tartares. En ce temps-là, un certain grand seigneur qui était envoyé de la part d'Allo vers le plus grand roi des Tartares arriva à Bokhara pour y passer la nuit. Et trouvant là nos deux Vénitiens, qui savaient déjà parler le tartare, il en eut une extrême joie et songea comment il pourrait engager ses Occidentaux, nés entre les Latins, à venir avec lui, sachant bien qu'il ferait un fort grand plaisir à l'empereur des Tartares. C'est pourquoi il leur fit de grands honneurs et de riches présents, surtout lorsqu'il eut reconnu dans leur manière et dans leur conversation qu'ils étaient dignes. Nos Vénitiens, de notre côté, faisant réflexion qu'il leur était impossible, sans un grand danger, de retourner en leur pays, résolurent d'aller avec l'ambassadeur trouver l'empereur des Tartares, menant encore avec eux quelques autres chrétiens qu'ils avaient amenés de Venise. Ils quittèrent donc Bokhara, et, après une marche de plusieurs mois, ils arrivèrent à la cour de Kubilai, le plus grand roi des Tartares, autrement dit, le grand Khan, qui signifie « roi des rois ». Or, la raison pourquoi ils furent si longtemps en chemin, c'est que marchant dans des pays très froids, qui sont vers le septentrion, les inondations et les neiges avaient tellement rompu les chemins que, le plus souvent, ils étaient obligés de s'arrêter. Chapitre 3. Avec quelle bonté ils furent reçus du grand Khan. Ayant donc été conduits devant le grand Khan, ils en furent reçus avec beaucoup de bonté. Il les interrogea sur plusieurs choses, principalement des pays occidentaux, de l'empereur romain et des autres rois et princes, et de quelle manière ils se comportaient dans leur gouvernement, tant politique que militaire. Par quels moyens ils entretenaient entre eux la paix, la justice et la bonne intelligence. Il s'informa aussi des mœurs et de la manière de vivre des Latins. Mais surtout, il voulut savoir ce qu'était la religion chrétienne et ce qu'était le pape, qui en est le chef. À quoi nos Vénitiens ayant répondu le mieux qu'il leur fut possible, l'empereur en fut si content qu'il les écoutait volontiers et qu'il les faisait souvent venir à sa cour. Chapitre 4. Ils sont envoyés au pontife de Rome par le grand khan. Un jour, le grand khan, ayant pris conseil des premiers de son royaume, pria nos Vénitiens d'aller de sa part vers le pape et leur donna pour adjoint un de ses barons, nommé Gourgaca, homme de mérite et des premiers de sa cour. Leur commission portait de prier le Saint-Père de lui envoyer une centaine d'hommes sages et bien instruits dans la religion chrétienne pour faire connaître à ses docteurs que la religion chrétienne est la meilleure de toutes les religions et la seule qui conduise au salut, et que les dieux des Tartares ne sont autre chose que des démons qui en ont imposé aux peuples orientaux pour s'en faire adorer. Car, comme cet empereur avait appris plusieurs choses de la foi chrétienne et qu'il savait bien avec quel entêtement ses docteurs tâchaient de défendre leur religion, il était comme en suspens, ne sachant de quel côté il devait reposer son salut, ni quel était le bon chemin. Nos Vénitiens, après avoir reçu avec respect les ordres de l'empereur, lui promirent de s'acquitter fidèlement de leur commission et de présenter ses lettres au pontife romain. L'empereur leur fit donner, suivant la coutume de l'Empire, une petite table d'or sur laquelle étaient gravées les armes royales pour leur servir et, à toute leur suite, de passeport et de sauf-conduit dans tous les pays de sa domination, et à la vue de laquelle tous les gouverneurs devaient les défrayer et les faire escorter dans les lieux dangereux. En un mot, leur fournir aux dépens de l'empereur tout ce dont ils auraient besoin pendant leur voyage. L'empereur les pria aussi de lui apporter un peu d'huile de la lampe qui brûlait devant le sépulcre du Seigneur à Jérusalem, ne doutant point que cela ne lui fût fort avantageux si Jésus-Christ était le sauveur du monde. Nos gens prirent congé de l'empereur et se mirent en chemin. Mais à peine avait-il fait 20 000 à cheval que Gourgacal, leur adjoint, tomba grièvement malade. Sur quoi, ayant délibéré, ils résolurent de le laisser là et de continuer leur chemin, pendant lequel ils furent partout bien reçus, en vertu du sceau de l'empereur. Ils furent néanmoins obligés de mettre pieds à terre en plusieurs endroits à cause des inondations, en sorte qu'ils restèrent plus de 3 ans avant de pouvoir arriver au port d'une ville des Arméniens appelée Laïa. De Laïa, ils se rendirent à Acre, l'an de notre Seigneur 1269, au mois d'avril. Chapitre 5. Ils attendent l'élection d'un nouveau pontife. Étant arrivés à la ville d'Acre, ils apprirent que le pape Clément IV était mort depuis peu et qu'on n'en avait pas élu un autre en sa place, ce dont ils furent fort affligés. Il y avait à Acre un légat du Saint-Siège nommé Théobaldo, comte de Plaisance, à qui ils dirent qu'ils étaient envoyés du grand khan et lui exposèrent le sujet de leur commission. Le légat était d'avis qu'ils attendissent l'élection de l'autre. Ils allèrent donc à Venise et demeurèrent avec leurs parents et amis pour attendre que le nouveau pontife fût élu. Nicolas Polo trouva sa femme décédée. Mais il trouva en bonne santé son fils Marco, qui était alors âgé de 15 ans et qui est l'auteur de ce livre. Cependant, l'élection du nouveau pontife traîna pendant 3 ans. Chapitre 6. Il retourne vers le roi des Tartares. 2 ans après qu'ils furent de retour dans leur patrie, les deux frères, craignant que l'empereur des Tartares ne s'inquiétât d'un si long délai, s'enfurent à Acre trouver le légat, menant avec eux Marco Polo, dans le dessein qu'il les accompagnait dans un si long voyage. Le légat leur donna des lettres pour l'empereur des Tartares, dans lesquelles la foi catholique était clairement expliquée. Après quoi, nos voyageurs se disposèrent à retourner en Orient. Mais ils n'étaient que fort peu éloignés d'Acre quand le légat reçut des lettres des cardinaux par lesquelles on lui apprenait qu'il avait été élevé au souverain pontificat. Sur quoi, il fit courir après nos Vénitiens, les avertit de différer leur voyage, leur donnant d'autres lettres pour l'empereur des Tartares et, pour compagnie, 2 frères prêcheurs d'une probité et d'une capacité reconnue qui se trouvèrent pour lors à Acre. L'un s'appelait Nicolas et l'autre Guillaume de Tripoli. Ils partirent donc tous ensemble et arrivèrent à un port de mer d'Arménie. Et parce qu'en ce temps-là, le sultan de Babylone avait fait une rude invasion en Arménie, nos 2 frères commencèrent à appréhender. Pour éviter les dangers des chemins et des sinistres aventures des guerres, ils se réfugièrent chez le maître d'un temple en Arménie, car ils avaient déjà plus d'une fois couru risque de leur vie. Cependant, ils s'exposèrent à toutes sortes de périls et de travaux et arrivèrent avec bien de la peine à une ville de la dépendance de l'empereur des Tartares nommée Klemenfou, car leur voyage, s'étant fait en hiver, avait été très fâcheux, étant souvent arrêté par les neiges et les inondations. Le roi Kubilai, ayant appris leur retour, quoiqu'ils fussent encore bien loin, envoya plus de 40 000 de ses gens au-devant d'eux pour avoir soin de leur faire fournir toutes les choses dont ils pouvaient avoir besoin. Chapitre 7. Comment les Vénitiens sont reçus par l'empereur des Tartares. Ayant donc été introduits à la cour, ils se prosternèrent la face contre terre devant le roi, suivant la coutume du pays, duquel ils furent reçus avec beaucoup de bonté. Il les fit lever et leur commanda de lui raconter le succès de leur voyage et de leur commission auprès du souverain pontife. Ils lui rendirent compte de toutes choses avec ordre et lui présentèrent les lettres qu'ils avaient. Le roi fut extrêmement réjoui et loua fort leur exactitude. Ils lui présentèrent aussi de l'huile de la lampe du Saint-Sépulcre qu'il fit serrer dans un lieu honorable. Et, ayant appris que Marco était le fils de Nicolas, il lui fit un fort bon accueil. Il traita si bien les trois Vénitiens, à savoir le père, le fils et l'oncle, que tous les courtisans en étaient jaloux, quoiqu'ils leur portassent beaucoup d'honneur. Chapitre 8. Comment Marco Polo se rendit agréable au Grand Khan. Marco se fut bientôt aux manières de la cour de l'empereur des Tartares. Et, ayant appris les quatre différentes langues de cette nation, en sorte qu'il pouvait non seulement les lire, mais aussi les écrire, il se fit aimer de tous, mais particulièrement de l'empereur, lequel, afin de faire éclater sa prudence, le chargea d'une affaire dans un pays éloigné et où il ne pouvait pas se rendre en moins de 6 mois. Il s'en acquitta avec beaucoup de sagesse et s'acquit tout à fait les louanges et les bonnes grâces du prince. Et sachant que l'empereur était curieux des nouveautés, il eut soin de s'informer, dans tous les pays par où il passa, des mœurs et des coutumes des hommes, des différentes espèces et de la nature des animaux, dont il faisait après cela le rapport à l'empereur, et par où il se concilia si bien son amitié que, quoiqu'il n'eût que 17 ans, le roi s'en servait dans les plus grandes affaires du royaume, l'envoyant dans les différentes parties de son vaste empire. Après qu'il avait expédié les affaires de sa commission, il employait le reste du temps à observer les propriétés des pays. Il remarquait la situation des provinces et des villes, ce qui se trouvait d'extraordinaire ou qui était arrivé dans les différents lieux par où il passait, et il mettait tout par écrit. Et c'est de cette manière qu'il a procuré à nos Occidentaux la connaissance de ce qui fera la matière du second livre. Chapitre 9. Après plusieurs années passées à la cour du Grand Khan, ils obtiennent de retourner à Venise. Après que nos Vénitiens eurent demeuré pendant quelque temps à la cour du Grand Khan, poussés du désir de revoir leur patrie, ils demandent permission au roi de s'en retourner. Ce qu'ils eurent beaucoup de peine à obtenir parce qu'ils les voyaient avec plaisir. Il arriva dans ce temps-là que le roi des Indes, nommé Argon, envoya 3 hommes considérables à la cour du Grand Kubilai, qui s'appelaient Kulitai, Ribuska et Kuala, pour lui demander une fille de sa race en mariage, sa femme, nommée Balgana, étant morte depuis peu, laquelle, en mourant, avait mis dans son testament et prié instamment son mari de ne jamais remarier avec quelque fille de sa famille. De sorte que le roi Kubilai leur accorda ce qu'il demandait et choisit pour femme au roi Argon une fille de sa race nommée Gogatim, âgée de 17 ans, qu'il leur confia pour la lui mener. Ses envoyés devant partir pour conduire cette nouvelle reine, et connaissant l'ardent désir que les Vénitiens avaient de retourner en leur pays, prièrent le roi Kubilai que, pour faire honneur au roi Argon, il leur permit de partir avec eux et d'accompagner la reine aux Indes, d'où ils pourraient continuer leur voyage en leur pays. L'empereur, pressé de leur sollicitation et de la demande des Vénitiens, leur accorda, quoiqu'à regret, ce qu'ils demandaient. Chapitre 10. leur retour à Venise. Ils quittèrent donc la cour de Kubilai et s'embarquèrent sur une flotte de 14 navires chargés de munitions. Chaque navire avait 4 mâts et 4 voiles. Ils reçurent, en s'embarquant, 2 tables d'or ornées des armes du roi qu'ils devaient montrer à tous les commandants des provinces de son empire, en vertu desquelles on devait leur fournir des provisions et autres choses nécessaires pour leur voyage. Le roi leur donna pour adjoint des ambassadeurs, tant pour le souverain pontife que pour quelques autres princes chrétiens. Et, après 3 mois de navigation, ils arrivèrent à une certaine île nommée Jana. De là, traversant la mer Indienne, après beaucoup de temps, ils arrivèrent au palais du roi Argon. Ils lui présentèrent la fille qu'il devait prendre pour femme, mais il la fit épouser à son fils. Des 600 hommes que le roi avait envoyés pour amener la nouvelle reine, plusieurs moururent en chemin et furent regrettés. Or, nos Vénitiens, des ambassadeurs qui les accompagnaient, partirent de là, après avoir obtenu du vice-roi nommé Akata, qui gouvernait le royaume pendant la minorité, 2 autres tables d'or, suivant la coutume du pays, pour leur servir de sauf-conduit par tout le royaume. Ils sortirent de cette manière sains et saufs et avec beaucoup d'honneur de ce pays-là. Et, après un long voyage et beaucoup de peines, ils arrivèrent, avec le secours de Dieu, à Constantinople, et de là, ils se rendirent à Venise, en bonne santé, comblés d'honneur et de richesses, l'an de notre Seigneur 1295, remerciant Dieu de les avoir conduits à travers tant de dangers dans leur chère patrie. Il a fallu marquer ces choses dès le commencement, afin que l'on sût de quelle manière et à quelle occasion Marco Polo, auteur de cette relation, a pu être informé de tout ce qu'il rapporte et de toutes choses qui vont être décrites dans les chapitres suivants. Chapitre 11 de l'Arménie mineure. Après avoir fait mention de nos voyages en général, il faut maintenant venir au particulier et faire la description de chaque pays que nous n'avons touché qu'en passant. L'Arménie mineure, donc, qui est la première où nous avons entré, est gouvernée avec beaucoup de justice et d'économie. Le royaume a plusieurs villes, bourgs et villages. La terre y est fertile et il n'y manque rien de ce qui est nécessaire à la vie. La chasse y est abondante en bêtes et en oiseaux. L'air y est pur et subtil. Les habitants étaient autrefois bons guerriers, mais à présent ils sont ensevelis dans la mollesse et ne s'adonnent plus qu'à l'ivrognerie et au luxe. Il y a, en son royaume, une ville maritime nommée Laya, dont le port est très bon. Et il y abonde beaucoup de marchands de toutes sortes de pays, et même de Venise et de Gênes. C'est, pour ainsi dire, le magasin de diverses marchandises précieuses et de toutes les richesses de l'Orient, particulièrement des parfums de toutes les sortes. Cette ville est comme la porte des pays orientaux. Chapitre 12. De la province de Turquie. La Turquie est une province de peuples ramassés, car elle est composée de Turcs, de Grecs et d'Arméniens. Les Turchiens ont une langue particulière, ils font profession de la loi détestable de Mahomet. Ils sont ignorants, rustiques, vivant la plupart à la campagne, tantôt sur les montagnes et tantôt dans les vallées, là où ils trouvent des pâturages, car leur grande richesse consiste en troupeaux de juments. Ils ont aussi des mules qui sont fort estimées. Les Grecs et les Arméniens qui habitent parmi eux ont aussi des villes et des villages et travaillent à la soie. Entre plusieurs villes qu'ils possèdent, les plus considérables sont Sovas, Césarée et Sébaste, où le bienheureux Basile a souffert le martyr pour la foi de Jésus-Christ. Ces peuples ne reconnaissent qu'un seul seigneur de tous les rois des Tartares. Chapitre 13 de l'Arménie majeure. L'Arménie majeure est la plus grande de toutes les provinces qui payent tribut aux Tartares. Elle est pleine de villes et de villages. La ville capitale s'appelle Arzinga. On y fait d'excellents boukiramous, étoffes devenues célèbres sous le nom de bougran. Il y a aussi plusieurs fontaines dont les eaux sont salutaires pour les bains et les guérisons de diverses sortes de maladies. Les plus considérables villes après la capitale sont Erzurum et Dardirim. Plusieurs Tartares se retirent en été sur leur territoire pour jouir de la fraîcheur et de l'utilité des pâturages, et ne se retirent qu'en hiver à cause des grandes neiges et des inondations. C'est sur les montagnes de cette province que s'arrêta l'Arche de Noé après le déluge. Elle a à l'orient la province des Géorgiens. Du côté septentrion, on trouve une grande source dont ils sortent une liqueur semblable à l'huile. Elle ne vaut rien à manger, mais elle est bonne à brûler et à tout autre usage. Ce qui fait que les nations voisines en viennent à faire leurs provisions jusqu'à en charger beaucoup de vaisseaux sans que la source qui coule continuellement en paraisse diminuer en aucune manière. Chapitre 14 de la province de Géorgie. La province de Géorgie paye un tribut au roi des Tartares et le reconnaît pour son souverain. Les Géorgiens sont de beaux hommes, bons guerriers et fort adroits à tirer de l'arc. Ils sont chrétiens selon les rites des Grecs. Ils portent les cheveux courts comme les clercs d'Occident. Cette province est de difficile accès, principalement du côté de l'Orient, car le chemin est très étroit et bordé d'un côté par la mer et de l'autre par des montagnes. Il faut passer par ce chemin-là, qui est long de 4 lieues, avant que d'entrer dans le pays, ce qui fait qu'on en peut empêcher l'entrée à une grande armée avec peu de monde. Les habitants ont plusieurs villes et châteaux. Leur principale richesse est en soie, dont ils font de riches étoffes. Quelques-uns s'appliquent aux ouvrages mécaniques, d'autres aux marchandises. La terre est assez fertile. Ils racontent une chose admirable de leur terre. Ils disent qu'il y a un grand lac formé par la chute des eaux des montagnes qu'ils appellent communément « mer de Chélucélam ». La mer Caspienne, qui mal connaît cette époque, était l'objet de maintes légendes. Ce lac a environ 600 milles. Toute l'année, il ne donne de poisson que le carême jusqu'au samedi saint. Ce lac est éloigné de toutes autres eaux de 12 milles. Chapitre 15 du royaume de Mossoul. Le royaume de Mossoul est à l'Orient. Il touche en partie à l'Arménie majeure. Les Arabes l'habitent, qui sont mahométans. Il y a aussi beaucoup de chrétiens, divisés en nestoriens et jacobins, qui ont un grand patriarche qu'ils appellent catholique et qui fait des archevêques, des abbés et tout autre prélat qu'il envoie par tout le pays d'Orient, comme fait le pape de Rome pour les pays latins. On fait là de précieuses étoffes d'or et de soie. Au reste, il y a dans les montagnes de ce royaume certains hommes appelés Kardis, les Kurdes, dont les uns sont nestoriens, les autres jacobins et d'autres mahométans, qui sont de grands voleurs. Chapitre 16 de la ville de Baldachi. Il y a dans ces quartiers-là une ville considérable nommée Baldachi, Bagdad, où fait sa résidence le grand prélat des Sarrasins, qu'ils appellent calife. On ne trouve point de plus belle ville que celle-là dans toute cette région. On y fait de fort belles étoffes de soie et d'or de différentes manières. L'an 1250, Oulagou, grand roi des Tartares, assiégea cette ville et la pressa si vivement qu'il la prit. Il y avait alors plus de 100 000 hommes de guerre dans la place. Mais Oulagou était bien plus fort qu'eux. Au reste, le calife, qui était seigneur de la ville, avait une tour remplie d'or et d'argent, de pierres précieuses et d'autres choses de prix. Mais, au lieu de se servir de ses trésors et d'en faire part à ses soldats, son avarice lui fit tout perdre avec la ville. Car le roi Oulagou, ayant pris la ville, fut mettre ce calife dans la tour où il gardait son trésor, avec ordre de ne lui donner ni à boire ni à manger, en lui disant « Si tu n'avais pas gardé ce trésor avec tant d'avarice, tu aurais pu te conserver, toi et ta ville. Jouis-en donc présentement tout à ton aise. Bois-en, mange-en si tu peux, puisque c'est tout ce que tu as le plus aimé. » C'est ainsi que ce misérable mourut de faim sur son trésor. Il passe par cette ville une grande rivière, le Tigre, qui va se décharger dans la mer des Indes, de l'embouchure de laquelle cette ville est éloignée de 18 000, en sorte que l'on y apporte aisément toutes sortes de marchandises des Indes et en abondance. Chapitre 17 de la ville de Tourisium. Il y a aussi en Arménie la célèbre ville de Tourisium, Tauris, fort renommée par toutes sortes de marchandises, entre autres de belles perles, des étoffes d'or et de soie et d'autres choses précieuses. Et parce que la ville est dans une situation avantageuse, il y vient des marchands de toutes les parties du monde, à savoir des Indes, de Baldac, de Mossoul et de Crémessor. Il en vient aussi des pays occidentaux, parce qu'il y a beaucoup à gagner et que les marchands s'y enrichissent. Les habitants sont mahométans, quoiqu'il y en ait aussi de jacobins et de nestoriens. Il y a autour de cette ville de très beaux jardins et fort agréables qui rapportent d'excellents fruits et en abondance. Chapitre 18. De quelle manière une certaine montagne fut transportée hors de sa place. Il y a une montagne en ce pays-là, non loin de Tourisium, qui fut transportée hors de sa place par la puissance de Dieu à l'occasion que je vais dire. Un jour, les Saracéniens, voulant mépriser l'évangile de Jésus-Christ et tourner sa doctrine en ridicule, « Vous savez, disait-il, qu'il est dit dans l'évangile, si vous aviez de la foi grande comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi là, et cela arriverait. Il n'y aurait rien d'impossible pour vous. À présent donc, si vous avez une vraie foi, transportez cette montagne hors de sa place. » Et, comme les chrétiens étaient sous leur puissance, ils se trouvaient dans la nécessité ou de transporter la montagne ou d'embrasser la loi de Mahomet. Ou, s'ils ne voulaient faire ni l'un ni l'autre, ils étaient en danger de mort. Alors, un fidèle serviteur de Jésus-Christ, exhortant ses camarades à avoir confiance en Dieu et, après avoir fait son oraison avec ferveur, commanda à la montagne de se transporter ailleurs. Ce qui arriva, au grand étonnement de ces infidèles qui, à la vue d'un si grand miracle, se convertirent et plusieurs Saracéniens embrassèrent la foi de Jésus-Christ. Chapitre 19. Du pays des Perses. La Perse est une province très grande et très étendue. Elle a été autrefois fort célèbre et fort renommée. Mais à présent que les Tartares l'ont eu à leur disposition, elle a beaucoup perdu de son lustre. Elle est cependant considérable entre les provinces voisines, car elle contient 8 royaumes. Il y a en ce pays-là de beaux et grands chevaux qui se vendent quelquefois jusqu'à 200 livres tournois la pièce. Les marchands les amènent aux villes de Chizy et de Kurmaza, Cormus, qui sont sur le bord de la mer, d'où ils les transportent aux Indes. Il y a aussi de très beaux ânes qui se vendent jusqu'à 30 marques d'argent. Mais les hommes de son pays sont très méchants. Ils sont querelleurs, voleurs, homicides et professent la religion de Mahomet. Les marchands sont, par-ci par-là, tués par ces voleurs s'ils ne voyagent par bande. Dans les villes, il y a cependant de très bons artisans et qui excellent dans les ouvrages de soie et d'or et de plumes. Le pays est abondant en gruau, blé, orge, millet et en toutes sortes de grains. Ils ont aussi des fruits et du vin. Chapitre 20. De la ville de Jasdi. Jasdi est une grande ville, dans le même pays, dans laquelle on fait beaucoup de marchandises. Il s'y trouve aussi des artisans subtils qui travaillent en soie. Les habitants sont aussi mahométans. Par-delà Jasdi, l'espace de 7 000, on ne trouve aucune habitation jusqu'à la ville de Kerman. Ce sont des lieux champêtres et broussailleux, fort propres à la chasse. On y trouve de grands ânes sauvages en abondance.